J'ai pas le débouché comme la dernière fois. Ah, alors c'est sponsorisé par quoi cette fois-ci? C'est Ramfi. C'est Ramfi. C'est Ramfi. C'est pour les yeux, du coup. C'est ouais, ah ouais, non, c'est, bah depuis que j'ai regardé les yeux, ce film, c'est con, on fait ça. Parce que la VO a quand même marqué un peu son temps. Non. C'est un vieux l'autre. Bah, en tout cas, le mien. Bah, moi, ça m'a surtout, ouais, voilà, c'est ça en fait. Ça m'a surtout pris du temps, quoi. Vas-y, vas-y, Jean-Pierre. Moteur. Moteur. Allons-y. Moteur. Oh putain, moteur! Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde! Salut et bienvenue dans le Riff Machine! Ouais! Ouais! Mes frères, bien, mes frères! Nous sommes réunis en ce jour presque saint pour notre troisième épisode consacré au cinéma et à sa musique. Pour affronter cela, je suis accompagné de... Romain de tambour... Nelson ! Ouais ! Bravo Nelson ! Merci. Bravo. Merci pour tout. Allez, allez, salut ! Allez, salut ! Bande de cons, ouais. Ah, tu vois, il le dit avant que je le dise cette fois. Tu vois, tu vois, et il est malin. Bon, il y a Romain aussi. Ça va ? Ça va et toi ? Oh, ça va bien. Bah, super, hein ? Ça va bien. Ah, super. Et JL, qui depuis notre podcast sur Last Action Hero, a troqué sa choucroute contre du sérum physiologique. Comment tu te sens ? Ça va, ça va. Ça va ? Et moi, c'est Panda, et je vous assure que le sérum physiologique, c'est pas suffisant pour se laver le visionnage du film dont on va vous parler. Spawn, un méfait commis par Mark A.Z. Dippé en 1997, une adaptation du fameux comics de Todd McFarlane, soutenu par ce dernier. Ouais, il le soutient encore toujours aujourd'hui. Hein. Oui, mais non, mais il a pas honte. Bon, alors, l'ascenseur émotionnel, c'est un peu le sport préféré du Riff Machine, quoi. Je pensais pas, mais par contre, je pensais vraiment pas qu'en arrivant tout en bas, il y aurait quelqu'un pour me badigeonner la rétine de merde. Eh bah si. Voilà, bah si, il y a quand même Spawn, quoi. Bon, alors, on peut pas le féliciter d'être un nanar. Mais par contre, le mot merde, c'est, il prend tout son sens. Ah, ça sens. Oui, ça, il prend tout son sens, quoi. Il y a même Moki qui se retournera dans sa tombe. Oh là là. Pas son âme. Alors, je vous lis le synopsis. Al Simmons, ou Simon, puisqu'on a bien franchisé. Al Simon. Albert Simon. Albert Simon, tueur talentueux, agent du service Action, employé par une organisation gouvernementale secrète et trahi par son supérieur, Jason Weed. Qu'il fait périr dans l'explosion d'une usine d'armes biochimiques. Simon se retrouve alors devant Malebolgia, seigneur des ténèbres. Il signe avec lui un pacte lui permettant de revoir sa femme, Wanda. Il devra mener les armées du mal dans leur ultime combat. Simon devient alors un guerrier infernal à la force et au pouvoir illimité, Spawn. Bon bref, vous êtes bien dans le Riff Machine et aujourd'hui on va vous parler de Spawn. Allez moteur putain ! Allez ! Imaginez une substance qui a le pouvoir d'anéantir l'humanité. Imaginez une créature assez perverse pour l'utiliser. Imaginez un héros à l'aube de sa création. De la chair au métal. Tu n'as qu'à visualiser ta cible. Du sang. Allez ! À l'acier. Ne fais pas le fier, tu as encore beaucoup à apprendre. De l'homme. À Spawn. Coucou ! Je t'ai vu ! Nous possédons l'arme totale. En comparaison, le virus Ebola ne donne qu'une allergie cutanée. Félicite à puissant ! J'ai dit, détruis l'univers et pose tes questions après. Qui êtes-vous ? C'est ce qu'ils veulent, vous jouez leur jeu. Oui, mais à ma façon. On t'a violenté, mon mignon. Utilise ton armure. Reste sur tes gardes, la nuit sera longue. Aujourd'hui, le mal a un nouvel ennemi. La justice a une nouvelle arme. Et le monde possède un nouveau héros. Spawn. Donc on va parler en fait surtout du comics, oui, tout d'abord. Ouais, tout d'abord le comics. Tout d'abord le comics, l'œuvre de Todd McFarlane. Donc c'est qui Todd ? Alors Todd c'est un dessinateur canadien déjà. Ouais. Dessinateur canadien, de grand talent quand même, c'est quand même. Et qui a bossé pour Marvel et DC Comics. Plus pour Marvel, il a fait notamment. Pour DC, il a fait quelques Batman, et il était surtout connu pour l'arc narratif, enfin pas l'arc narratif, mais pour avoir bossé sur Spider-Man en fait. Tom Holland, c'est quelqu'un qui est très prétentieux et qui ne doute jamais de lui-même. Et la quand politique. Quand il a soutenir Spawn. Oui, quand il a soutenir Spawn, c'est vraiment. Le film, hein. Le film. Hein. Sur le comics, on ne doute de rien. Dès qu'on crache sur Spawn, c'est le film. Et en fait, le truc, c'est qu'à Marvel, il y a une politique qui énervait Tom Holland. C'était qu'à chaque fois que si tu crées un perso, un héros, il ne t'appartient plus. Ça appartient à Marvel. Et ça lui cassait les couilles. Du coup, il s'est barré avec 4 autres ou 5 autres personnes pour créer. Image Comics, qui est quand même, mine de rien, le troisième plus gros éditeur de comics. Ah ouais, aux États-Unis. eBay. Qui a fait notamment Savage Dragon, Witchblade, comme ça, Spawn, évidemment. Bah ouais, et c'est là-bas, ouais, c'est donc sous cette effigie qui lance le premier numéro de Spawn, qui s'écoule quand même à 1,7 million d'exemplaires. Tout à fait. Donc c'est quand même un record. Non, c'est toujours un record pour les comics indépendants. Tout à fait. Exemplaire numéro 1 que j'ai signé de Todd McFarlane. Wow. Tu peux le montrer au micro? Je le montre au micro. Et moi je l'avais acheté en Vendée le premier quand on était en vacances. Quand on était en vacances en Vendée le premier, parce qu'en fait j'avais déjà acheté Spawn comme ça vite fait, mais j'ai acheté ça au numéro 4-5, un truc comme ça quoi. Mais il manquait les 4 premiers. Mais bon, c'était pas gênant pour la suite de l'histoire. Et c'est vrai qu'en fait j'avais retrouvé les 4 premiers sous un espèce de petit bouquin dans un. Un relais presse, machin. D'accord, quoi. Ouais. Et je l'avais acheté là-bas. Et donc, tu traînes souvent au relais presse? Oui, j'aime bien. J'aime bien l'odeur. Mais je sens l'odeur à chaque fois. L'odeur du papier. Ouais. L'odeur du papier, j'adore. On a plus ça maintenant. Bah non, maintenant avec les tablettes. Les gens lisent plus, de toute façon. Et donc, numéro 1 que j'ai. J'ai même une photo avec Todd McFarlane. Je suis avec lui. C'était la dédicace à l'album. Un peu un ami des stars en fait. C'est ça, un ami des stars. Ouais, parce que tu nous as fait Slipknot. Ouais, j'ai mis Slipknot à la Fnac. Tu fais des selfies avec eux et tout. Tu vas te faire une fan page ou pas? Bien, je pense. Je vais y mettre. J'aurais deux trucs. Slipknot et Todd McFarlane. Donc, l'histoire de Spawn, déjà dans le comics, on retrouve quand même des similitudes avec le film. C'est normal, puisque le film est une adaptation. Jusqu'à présent. Voilà. Mais c'est quand même un peu plus fouillé, ce qui est normal aussi. Le film, tu dis? Non. Le comics, c'est plus fouillé. Allez voir nos yeux à ce moment-là. Les gros yeux grands ouverts. Le film, il reprend la base de Spawn. C'est ça, mais il enlève beaucoup d'éléments qui font l'univers de Spawn. Notamment le côté très glauque, en fait, de... Oui, parce que dans le comic, il y a un tueur d'enfants qui est inspiré de John Wayne Gacy. C'est ça? Oui. C'est ça, John Wayne Gacy. Le clown, c'est ça. Qui se débrouille d'un clown. Voilà, il y a ça, et dans le film, ça c'est compréhensible. On fait même pas référence, quoi, même juste un petit peu, quoi. Mais tout ça, tout l'aspect violent, parce que, bon, ce qui plaisait surtout, c'est que, quand même, regardez, c'est que les comic books, quand on les achetait, c'est parce qu'on voulait de la violence, du cul, du machin, quoi. Et Spawn, ça remplissait toutes les cases, quoi. C'était super violent. C'était hyper gore, c'était hyper violent. Et les ados teubés qu'on était, c'est ça. Voilà, pareil. J'écoute du métal, j'écoute du violent. Ouais, j'écoute du métal, j'ai du BD violente et tout. Le comics, il fonctionne pas mal, quoi. Donc là, on se situe dans les années 80. Ouais. En 94, il y a McFarlane qui lance McFarlane Toys. Oui. Ouais, il est super chaud, quoi. Tu vois, il fait des figurines de ouf pour du baseball, du hockey, etc. Et puis et après, il reprend aussi les figurines de films à succès, genre Matrix, Terminator. Ouais, oui, mais c'est devenu une référence au niveau des. Parce qu'il a fait les statuettes de Jim Morrison, Hendrix Kiss. Oui, il a fait ça, il a fait aussi toutes les Cinematic Monsters, là, il a fait Massacre à la tronçonneuse, Hellraiser. C'était une référence en fait. Bref, il lance son truc là, McFarlane Toys, et il s'arrête pas là parce qu'il se dit vas-y, je suis super chaud. En 96, il fait son studio de cinéma et d'animation avec en collaboration avec Milan Cinema. Et donc, toujours sous cette bannière là, qu'il a lui-même créé à nouveau, il sort Spawn. Bon, succès modéré, on va en revenir dessus. Modéré. On va en revenir dessus parce que bon, après, toujours chez. Comment ça s'appelle? McFarlane Entertainment. Il produit des clips à succès comme celui de Korn, Freak on the Leech. Something fait sorti. La pochette de cet album et le clip en. Il a fait une petite partie. Si, si, oui, le clip. C'est lui qui fait le clip. Deux clips, parce qu'il y a le clip Grandelich et. Falling Away From Me, qui est la suite du clip. Ouais, c'est la suite du clip. Du coup, tu vois au début du clip, la suite. Qui est, lui, réalisé par Fred Durst. Elle est référence. Ah bah attends, attention. Hein. Il a fait la pochette de l'album aussi. Ouais, il a fait Follow the Leader. Ouais. Et puis il a fait surtout le clip très connu de Pearl Jam. Ouais, Evolution qui est super. Ouais, Tools et Evolution quoi. Ouais. Il a fait la pochette de The Dark Saga de Ice Earth. Oui, ah exact, c'est vrai. Voilà. Parce que le héros Spawn est mis à l'honneur dans cet album. Voilà. Bon, bref, sur le papier, ça promettait en fait, Spawn. Hein. Ça pouvait être pas mal. Bah, quand tu vois le comics, tu te dis. Ça peut donner envie, en tout cas. Les personnes qui connaissaient déjà le comics en France, j'en faisais partie parce que j'étais assez fan du dessin de Matt Farrell. Je m'amusais beaucoup à refaire ces dessins. Oui, c'est des traits assez spéciaux. Ouais, il y a beaucoup de détails, etc. Ah, contrairement aux vieux comics qui étaient assez épurés, quoi. En règle générale. Comme BD, c'est vrai que très détaillé. Très chargé, quoi. Dans les comics, tu vois que Spawn avec sa cape et tout, c'est bon, quoi. Oui, les détails, c'est un truc de ouf. Et donc, les personnes qui connaissaient, quand ils ont entendu parler d'une adaptation cinématographique, ils se sont dit, putain, vas-y, on a hâte, quoi. Ouais, grave, trop chaud. Bon, alors, du coup, comme c'était quand même un super projet, ils ont pris un super réalisateur. Tout à fait. Ouais. James Cameron. Et non. Marc Dippé. Marc Dippé. Voilà. C'était Marc Dippé qui était plus dans le. C'était son premier long métrage. Ouais, voilà, parce que lui il bossait dans les effets spéciaux. C'est ça, c'est concepteur et directeur des effets spéciaux. Ouais, ça on peut en parler parce que c'est quand même une honte quoi. Tu bosses dans les effets spéciaux et tu fais un film comme Spawn quoi. Le mec, après, si tu veux voir un petit peu sa filmographie, c'est genre Frankenfish. Après, il a fait des téléfilms, des directs ou DVD, genre Sorcière d'Halloween 3, ou je sais pas quoi, mais que de la merde. Mais vraiment, il a fait aussi Garfield. Ah oui, mais il a participé. Ah ouais, Garfield. Il a fait quoi dessus, monsieur? Il est réalisateur, il a réalisé Garfield. Waouh. Le film Garfield. Le chat. Alors, inspiré d'un comics aussi. Le Todd McFarlane. Quoi? En fait, il a fait que de la merde, mais avec des gens dans la vraie vie, tu vois. Mais dès que ça passe en image de synthèse, ça va. Sauf quand il s'occupe des effets spéciaux de Spawn. Ah oui, attends, les sorcières d'Halloween 3, en plus, c'est un truc de Disney Channel. Putain, c'est du bon. C'est un gros téléfilm. Ça envoie, quoi. Cody, je suis une sorcière. Marnie. Les sorcières d'Halloween 3, jeudi 20h sur la chaîne Disney. Là, on va partir un petit peu sur le choix du casting. Déjà, dans le film, il y a Michael J. White. Gros respect pour Michael J. White, qui je sais pas combien de ceintures noires, je sais pas combien de sports de combat. Et pour ceux qui veulent savoir qui c'est le noir qui s'énerve contre le Joker dans Dark Knight. Ouais, qui se prend le stylo, là, dans le Magic Trick. Voilà, enfin, c'est pas le Michael J. White qui se prend le stylo. Ah, c'est pas lui? Ah non, c'est pas lui. T'es sûr? Je suis sûr. On mettra l'extrait. Enough from the clown. Let's not blow this out of proportion. You think you could steal from us and just walk away? Yeah. I'm putting the word out. 500 grand for this clown dead. 1 million alive. So I can teach him some manners first. Et donc oui, c'est lui. Donc c'est un mec qui est quand même très costaud, qui a fait énormément de sport, de combat, qui malheureusement a pas eu une carrière de ouf. Il est apparu également. Enfin, son premier rôle, c'est dans Toxic Avenger 2 ou 3. Ah, c'est super, ouais. C'est magnifique, super. Tout le monde a regardé. Toxic Avenger, je le conseille à tout le monde. Avec Mattel la trilogie, c'est super. Mais regardez tous les films de Trauma Movies. C'est, oui, c'est tous. Génial. Tous. Sans tous, exception. Tous. C'est un ordre. Donc voilà. Et il y a aussi. Ah oui, il y a Martin Sheen. Je sais pas ce qu'il fout là-dedans, mais bon, voilà quoi. John Leguizamo, qui est dans tous les mauvais coups, parce qu'il a été aussi également Luigi dans Super Mario Bros. Un très bon film, adapté d'une autre franchise. Il est dans Summer of Sam, qui est quand même pas mal. Ouais, il est dans Roméo et Juliette et L'Impasse. Ouais, exact, ouais. Alors, Roméo plus Juliette. Oui, Roméo plus. Attention. Et en Docteur Dolittle aussi. C'était à la même époque d'ailleurs. C'était en 96. C'était le tournant de sa carrière. Roméo et Juliette. De quoi ? Roméo et Juliette. C'était quelle année ? C'est 96. 96. Des années on écoutait Garbage quoi. Ouais, c'est des années Garbage. Et les Cardigans. Exactement. Bon, il y avait aussi dans les seconds rôles Mindy Clark. Alors oui, qui avait joué quand même dans Retour des morts vivants 3. Tout à ouais. fait, tout à fait. Oui, c'est celle qui est sur la c'est celle qui est sur la jaquette. Ah, ouais, qui te spoil tout, la vie, film, etc. Ouais. Ouais. Là, elle a joué dans Sliders, des bons parallèles. C'était pas. Elle dans Sliders. Oui, c'était jouer méchante. À bout. Le retour des morts vivants 3. Oui, voilà, ouais. Mais, avec Mindy Clark, bien sûr. Oui, voilà, donc on parlait de Mindy Clark. Bah, l'histoire, juste pour faire un petit parallèle, c'est un peu une sorte de Roméo et Juliette. Je sais que je l'ai vu récemment, ce film-là, parce que j'avais vu que le premier, j'avais pas vu les autres. Bah, c'est l'histoire d'amour, en fait, entre un être humain et un zombie. Oui, c'est oui, c'est, oui, c'est à peu près ouais. ça, ouais. C'est quelqu'un qui perd sa meuf, il trouve le virus de... un virus qui peut rendre... enfin, qui peut ramener à la vie, et puis voilà, ouais. il ramène à la vie sa femme. Et puis là, après voilà, il y a le film. Quoi. Oui, le film est largement. Bah, faut le regarder avec des potes, bière pizza, parce que c'est quand même sympa à regarder. Ouais. Mais c'est pas un chef-d'œuvre. Non. Puis c'est vraiment le film, le héros. Putain, il est quoi, c'est pas possible. C'est vraiment le héros des années 90, c'est un rebelle, tu sais, il écoute du hard rock, tu vois. Ah bah dans les années 90, les Ardos, ouais, c'est. Ouais, les Ardos sont c'est les rebelles. Hein, ouais, c'est les rebelles, quoi. C'est les rebelles au grand cœur. C'est des méchants, quoi. C'est... Ouais, ouais. Alors, moins. Moins. Ouais. Moins. Ça n'a pas l'air convaincu. Alors, ça n'a pas l'air convaincu. Moins. Non, parce qu'on me met des sales types un peu, c'est les Ardos, quoi. C'est les... Oui, mais par exemple. Ouais, mais par exemple, t'as des films là où Radio Rebelle avec Brandon Fraser et. Oui, oui. Et comment il s'appelle là Steve Buscemi. Voilà, ah, oui. Voilà, c'est pas ça. Et donc, oui, donc il y a Radio Rebelle et Adam Sandler. C'est un groupe de Hardos qui. Oui, c'est un groupe de Hardos qui prennent une radio en otage et qui veulent absolument passer leurs morceaux. Tu vois, je crois qu'il y a même les lignes de Motorhead qui lui donnent. Maintenant, quoi. Un truc qu'ils pourraient plus faire aujourd'hui, tu vois. Et donc, c'est pour ça pour dire que les Hardos, c'était aussi. Garçon, oui, mais là c'était un film sur la Rose. Voilà, ou Wayne's World. Bon, bref, si on en revient donc sur Spawn, le film en question auquel on s'intéresse. Ouais. Pas trop quand même. Pas trop non. Pas trop quand même. Non, mais de toute façon, c'est. Alors, passe aux effets spéciaux un peu. Bah, oui, bah, on peut y passer vite fait comme ceux qui ouais, les ont fait, voilà. Quoi, parce que c'est ouais, pas possible. Ouais. Je sais pas en fait si c'était un manque de budget. Je pense que oui, quand même, non. Non, mais il y a un problème. Non, énorme, non, là, je pense qu'on est sur. Ils en foutent quand même pas mal les effets spéciaux. Sur le début, quoi, des effets. Non, mais attends, ceux qui s'occupent des effets spéciaux, c'est ILM. Ouais, c'est une grosse boîte de ILM. Bah, alors je pense que du coup, Spawn, ça va être leur film. Tiens, on va essayer ça. Oui, non, mais c'est ça, parce qu'on sait pas. On sait pas, mais Spawn, on s'en bat les couilles. On va essayer des trucs, parce qu'à la base, Spawn, ça devait être un film qui devait faire date. Dans les effets spéciaux pour dire voilà, ça c'est une copie parfaite dans le sens où ça, voilà ce qu'on peut faire. Ils l'ont annoncé comme ça ? C'est, bah, eux en production c'était comme ça qu'ils voulaient faire. C'est fantastique, mais ça veut dire qu'ils ont envoyé que les ébauches là. Ah oui, on parce est. Parce que vraiment, le film il est bourré d'effets spéciaux. Tu sais, à chaque fois quand t'as un passage en enfer, mec putain, c'est plus. Mais temps, c'est, plus c'est plus mal fait qu'un niveau de Minecraft. Tu sais, t'as des oui. niveaux de Minecraft avec de la lave, c'est genre bloup bloup bloup, tu vois, mais. C'est plus réaliste Minecraft que Spawn quoi. Oh, putain, c'est un cauchemar. Non, mais c'était On dirait qu'ils ont trouvé des nouveaux effets et ils en foutent partout et c'est. Oui, ils ont collé partout parce c'est que. Malvenu à chaque fois. Ah ouais, non, mais en plus c'est la cape de Spawn. Enfin, c'est pas possible. Alors la cape c'est le seul truc qui est bien animé, mais c'est qu'il ouais, ne rentre pas du tout dans le décor. C'est-à-dire que tu sens que c'est rajouté. Ah oui, tu sens. Mais par contre, elle est bien animée. Tu sens la non-présence de la cape, quoi. C'est incroyable. Ah ouais, c'est n'importe quoi. On dirait les enfants qui ont redessiné par-dessus, là, tu sais, genre. Oui, oui. Elle dit, on a une pellicule, on va mettre une petite cape comme ça, là. Plop, plop, plop, plop. Mais ils ont bien fait la cape, hein. Ils l'ont dessiné avec des feutres à con, quoi. Ouais, c'était pas bien fait. Et par contre, il y avait un truc que je trouvais qui était bien fait quand même, c'était les maquillages. C'était pas trop dégueu. Le beau acteur principal de Machin White, là. Michael J. White. Ouais. Le pauvre, là, il passe tout le film quasiment sous plusieurs couches de latex. Tout à fait. Ouais, c'est le seul mec qui y croit d'ailleurs dans le film. Hein. Ce type regarde bien, c'est quand même le seul gars qui croit vraiment à ce qu'il fait. Le reste, ils en ont rien à foutre. Hein. C'est son seul premier rôle aussi, j'ai l'impression. Ah, oui. Bah oui, enfin, il a joué dans Black Dynamite quand même après. Qui est un film qui se moque pas, mais qui parle un peu des films de la Blaxploitation et tout ça. C'est un film qui est très cool. Qui est sorti sur Netflix il y a peu de temps. Non, c'est autre chose. Ça, c'est Dolmine. Oh merde, Dolemite, je crois. Ouais, c'est Dolemite. Dolemite. Non, Black Dynamite. Et Black Dynamite, c'est un truc qui est sorti en 2000. Ah oui. J'aime beaucoup Afro, là. Ouais, ou c'est génial. Mais oui, je l'ai vu. Il fait du Kung Fu tout le temps et tout, c'est super marrant, quoi. C'est très drôle. Oh, you suckers gather round. There's a brand new movie coming to town. So get on up and check the scene of the smoothest, baddest mother to ever hit the big screen. Main man, Black Dynamite. He's super cool and he know Kung Fu. Drives a $5,000 car and wears a $100 suit. You're so righteous. This is also true. And when it comes to the ladies, he's out of sight. Let me guess. You one of these brothers think you can get by on a wink and a smile, huh? What about the smile? I am smiling. Dynamite! Dynamite! I am declaring war on anybody who sells drugs in our community. But Black Dynamite! Et non, ouais, les maquillages, je les avais quand même retenus en me disant bon, ça va, c'est le truc à sauver. Maquillage, ça allait, ouais. Le maquillage, ça allait, le costume, c'était pas non plus. Non, c'était vraiment les effets quand il va en enfer, tout ça. Ah ouais, non, mais c'est pas possible. Mais après, il y a du scénario qui est nul à chier. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à un moment, Spawn, il nous collait un copain gamin. Parce que dans les années 90, il fallait toujours avoir un copain gamin. Et un chien. Non, le toutou c'est trop mignon. Parce qu'il le reconnaît quand il vient des enfers. C'est le seul qui le reconnaît. Et ça c'est important. Ça c'est les valeurs qu'on défend, on est fâché. Ah, c'est le seul truc qu'il rapporte, tu sais, qui fait la jonction entre l'enfer et la terre. Quoi. Et son ancien lui-même. Oui, c'est surtout pour plaire aux gamins. Il faut aussi faire une petite analyse psychologique. Non, parce que le toutou, j'ai 35 ans et ça me plaît toujours. Et je suis pas un gamin. Par les films comme ça, quand il y a un peu l'au-delà, enfin, en faire tout ça, les animaux ils ressentent pas la même chose que les humains. Oui, tout à fait. C'est intéressant d'avoir le point de vue du chien. Bon, on parle des effets spéciaux, etc. Faut se situer, on est dans les années 90 et il se passe quoi? On est fin, on est 90, on est en 97, donc on est pas loin du bug de l'année. On a passé 95. On a passé la mi-90. C'est bien, alors, on parle de 97, c'est bien, si les gens n'ont pas de conscience numérique. En fait, oui, 97, ça vient après 95. On est bien là, on a bien expliqué les choses. Dans la timeline, elle doit suivre le redire. Ouais, on va le dire lentement. Donc, dans les années 90, mais c'est plutôt la fin, parce qu'on n'est pas loin de 2000. Mais on n'a pas encore gagné la Coupe du Monde, donc. Oui, on n'a pas encore gagné la Coupe du Monde. Oh merde. Oh, Gloria Gaynor, tu restes tranquille. Oui, bah les effets spéciaux, bon bah y'a quoi? Alors si, parce que quand même, les effets spéciaux, y'a eu quand même pas mal de films gros budget, spectaculaires qui sont quand même sortis. Y'a quand même Twister, y'a quand même Independence Day, je vous le rappelle même. Mars Attacks aussi qui était Mars Attacks. Film effets spéciaux. Ou avec beaucoup d'effets spéciaux, etc. Donc ça, on se débrouillait quand même pas mal, quoi. Y avait quand même des trucs qui étaient faisables, qui étaient pas dégueu, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Mais vous savez que personne ne sait ce qui s'est passé. Mais justement, la production n'a jamais rien dit à personne. Dans les interviews, les gens sont là à dire Personne n'a rien dit là-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a enquêté là-dessus ici? Alors, personne. Moi, j'ai regardé un peu parce que j'avais un Mad Movies qui en parlait. Ouais. Donc, forcément, c'est ma première source d'information parce qu'ils sont quand même bien renseignés, les mecs. Hein, oui. Bien renseignés. Et donc, oui, il disait que à ce jour, personne n'a balancé sur ce mot. Même Michael J. White, on lui en parle dans des interviews, dans des radios et tout, etc. Que dalle. Putain, donc ça reste un mystère. Ça reste un mystère parce qu'en fait, c'est un truc où je pense que Todd McFarlane s'est dit ouais, on va faire un film, ça va déchirer. Comme ma BD, tu vois. Ouais, comme mon comic book. Le problème, c'est qu'il a dû. Il a dû avoir des problèmes de budget, de machin et tout, etc. C'était de la merde. Il a dit non, mais on y va jusqu'au bout, je m'en fous. Et le mec a dû dire, mais non, mec, c'est pas possible, on peut pas. Il dit, je suis sûr que c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, moi, j'ai la théorie des stagiaires, quoi. Ouais, c'est facile, la théorie des stagiaires. Oui, mais c'est pour une raison de budget, quoi. Ils ont peut-être mis des petits gars qui sortaient de l'école. Je pense qu'ils avaient pas le budget, que technologiquement, c'était pas possible de le faire, je pense. Comme on disait, il y avait des films qui étaient déjà assez ouf. Oui, voilà. Ils avaient pas le même budget. Ouais, mais quand on parlait d'Independence Day, mine de rien, il y a quand même beaucoup d'effets en dur, quoi, dans le film. Donc c'est... Ouais, mais par exemple, quand t'as des plans où tu vois la... Alors c'est vrai que pour l'explosion et tout, etc., ils ont tout fait en dur. Parce que les mecs sont pas fous, quoi. Ils disent non, les flammes, on sait pas trop les faire. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Bon, bah, c'est un vachement par Independence Day, pour moi, il a pas trop vieilli. Parce qu'il mélange bien les deux. Il mélange l'effet en dur et les effets numériques qui sont encore... On est vraiment au balbutiement, quand même, des effets numériques. On est quand même très très loin des films Marvel, par exemple, tu vois, où là... sinon que vous direz oui, partout. La technologie n'est pas la même. Mmh. Sauf qu'on ne pouvait pas faire ces trucs, on ne pouvait pas faire l'enfer, quoi. Et les flammes, c'était pas possible. Ça aurait pu, mais il fallait peut-être qu'ils revoient leur copie. Bah, ils ont parce que l'enfer, tu le trouves dans plein de films, même des films en noir et blanc qui datent de 1921. Ouais. Ils te représentent l'enfer d'une façon plus réaliste que là, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tellement eu de volonté de faire les choses de façon moderne avec le numérique, ouais, ça, qu'ils ont laissé de côté en fait tout le reste. Et alors que peut-être le côté facile, ouais, on va faire. Je pense c'est ça, ouais, il y a peut-être une volonté de faire tout parce qu'on les a fait pour permettre de faire ça en fait. Oui, et puis ils voulaient un rendu dégueulasse. Voilà, sauf que le rendu est dégueulasse, quoi. Et donc on parlait donc d'effets en dur comme vous dites, donc faire des véritables décors. Alors que là c'était les mecs, ils ont foutu des fonds verts partout et puis ils ont essayé de faire leurs choses et c'était immonde. Mais il y a même des trucs mais ils l'ont sorti quand même. Mais il y a même des effets spéciaux, enfin il y a même un truc parce qu'il y a un moment dans le film où en fait il est sur une moto, c'est quoi. En fait ça capte, il fait une espèce de truc de protection. Ça fait des effets en plus, ça ne sert à rien. Non. Et c'est nul, et c'est même pas dans la bande dessinée en plus. Ah, c'est vrai, il y a pas de. Non, il y a rien. Il est pas dans cette espèce de passe mobile. Non, il y a pas de. Mais non, mais c'est ça, parce qu'il fallait une spawn mobile. Il faut qu'il se déplace quand même. Voilà, il faut qu'il se déplace. Il fallait de l'action sur la route. Bah oui, voilà, tu vois. Sur la BD, je m'en fous de voir l'action. Oui, parce que finalement, dans la BD, il n'y a pas d'action. Il y a très très peu d'action dans la BD. Il y a un autre truc symptomatique des années 90, d'adaptation en fait de comics, mais elles sont toutes quasiment foireuses. Des jeux vidéo aussi. Exact, oui, c'est vrai, on peut mettre ça dans le même panier parce qu'il y a toujours ce côté où. À chaque fois, Mortal Kombat. Ouais, mais dans Mortal Kombat, au moins, ils ont fait Christophe Lambert, tu vois. Ouais. Le sort de la Terre va dépendre de vous. Mais tu sais, pour moi, Mortal Kombat, c'est une très bonne adaptation. Pour moi, c'est parfait. C'est combat, bagarre, dialogue, bagarre, dialogue. En même temps, il faut être couillu pour adapter un jeu vidéo de baston, quoi, tu vois. C'est ça. C'est le. Oh putain. Ouais, mais tu vois, Street Fighter, le film, c'est pas possible. Bon, après, Mortal Kombat, il y avait un univers qui est plus marqué que sur Street Fighter. Et oui, voilà. Oui, c'est pas plus sympa. Après, c'est aussi d'en faire des effets spéciaux. Hein. C'est une très bonne VO aussi. Bon, là, on va parler des méfaits aussi du côté de Batman, là, de Schumacher, puisqu'il a fait Batman Forever, Batman Robin. Alors, moi, Batman Forever, je sais qu'il est pas bien, mais moi je l'aime bien quand même. Batman Forever ? Ouais, moi je l'aime bien. Beaucoup, ouais. Moi je l'aime. Ouais, on sait pourquoi tu l'aimes beaucoup, toi. Pourquoi il l'aime beaucoup ? Ah, pourquoi ? Alicia Silverstone ? Non, ça c'est Batman et Robin. Ah merde ! Comment il s'appelait ? C'est parce qu'il y a Nicole. Nicole Kidman, ouais. Alors, Nicole Kidman. Alors, je sais pas quelle était la direction qu'on lui a donnée, mais elle a chaud pendant tout le film. Ouais. Tout le temps. Tout le temps. Il y a aucun moment où elle part normalement. Elle est toujours en train d'allumer Bruce Wayne ou Batman. Elle est lubrique. Elle est lubrique à fond. À un moment donné, tu fais. Je me souviens que. Nicole. Tu dis Nicole. Enfin, au début, tu dis genre, bon, ok. Bon, elle l'allume, tu vois, ok, pas de problème. Et en fait, c'est comme ça dans tout le film, tu vois. Ouais, bon, sinon on a compris quoi. On a compris que t'as plein de désirs pour lui. Je dis, ok, pas de problème. Mais là, c'est un peu beaucoup là. Mais tout le temps. Elle part tout le temps comme ça à la chaud pendant tout le temps. L'univers était pas mal de totem dans Batman Forever. Ouais, c'était sympa. Bah, y a quoi, Jim Carrey est quand même bon. Ouais, Moi, je l'aime bien. Je défends quand même. Même si après, j'admets que c'est pas encore. Ouais, mais c'est etc. Il est moins pire que Batman et Robin. Alors, Batman et Robin, c'est une catastrophe. Ah, putain, c'est une catastrophe. Rien que l'affiche du film, tu fais oh non. Non. Mais bon, Batman Forever, avoir une bonne chanson du tour. La meilleure chanson du tour. On remettra pas d'extrait. Hein, non, la connaître. Bon. Toujours dans les années 90, on parlait de jeux vidéo. Il y a Carmageddon qui est sorti cette année-là. Je sais pas si vous l'avez saisi. Oh, moi, ce jeu, j'ai joué. Non, pas du tout. J'ai pas joué. Ah, tu connais pas ? Tu connais pas le principe ? C'est le principe, c'est. T'as une bagnole plus ou moins équipée, on va dire. Tu fais une course dans une ville. Sauf que bon, bah, ils ont pas fermé la ville. Il y a toujours des gens. Ah, c'est un truc destroy un peu. Le but c'est soit de défoncer en fait les autres véhicules ou sinon de gagner des points de temps en écrasant les gens. T'écrasais un papy, bah tu gagnais plus de temps. Ou un handicapé pareil quoi. Ouais, c'est un peu un GTA. C'est un jeu qui s'est inspiré de Death Race. Ouais, c'est ça, ouais. Course à la mort. La course à la mort qui était sortie je ne sais plus quand, où il y a eu une adaptation. Là, je l'ai pas en tête. Il y a eu un reboot. Jason Statham. Ouais, avec Jason Statham. 2000, non ? Oui, c'est ça. Et le reboot est très très bien aussi. Hein. Et après, l'idée. J'avoue, j'ai pas vu. Mais Carmageddon, qui était sublimé par une BO de Fear Factory. Ah, ok, ouais. Ah, oui, la chanson Carm. Non, même pas. On vous mettra un extrait. We'll be right back. Pourquoi je vous parle de Carmageddon? C'est parce qu'en fait, la qualité du jeu vidéo à l'époque, bon, tu sais, c'était le début de la PlayStation. PlayStation 1, donc c'est bien cubique, etc. Et ben en fait, ça me rappelle aussi vaguement l'enfer dans les effets spéciaux de Spawn. Non, mais tu sais que même qualité. Mais il y a un critique qui a dit que les passages dans Spawn ressemblaient à des cinématiques de PS1. Ah, bah oui, ça fait penser. Mais je crois que même quand on a maté le film, je me suis même fait la réflexion. Pour moi, il est plutôt gentil parce que les cinématiques étaient plutôt bien faites. Si tu regardes les premiers Final Fantasy, sur PlayStation 1, la gueule. Mais par contre, ça ressemble plus au gameplay de la PlayStation 1. C'est vrai que Final Fantasy 7, c'était quand même mieux fait, quoi. Oui, ouais. Ça fait un peu plus de gueule, quoi. Bon, ce qui est bien aussi, c'est que sur le plan musical, on voit qu'on est au top, hein. Là, les années 90, c'était quand même quelque chose. En 97, le top 50 en premier, t'avais Gala, Freeform Desire. Ah, bah, c'est resté des semaines entières dans le Hit Machine, d'ailleurs. Et ouais. Avec Madonna aussi, Don't Cry For Me Argentina. Il y a Ricky Martin avec Maria, Wes, Alan, Will Smith, Men in Black. Enfin, plein de trucs comme ça. Il y a Florent Pagny, savoir aimer. Ouais. Ah oui, attends, il y a un truc que tu oublies aussi. Il y a ça. Et puis il y a aussi, c'est parce que 97, c'est quoi? C'est aussi la mort de Lady Day. Oh là là. Eh oui, les gars. Parce qu'il y a le morceau Candle in the Wind de Elton John. C'est un truc survendu, ça. Ah non, mais je crois que c'est le truc qui a été le plus vendu en Angleterre. Musicalement, en 97, il y a d'autres choses qui se passent. Ouais, des vrais trucs, quoi. Des vrais trucs. Pourquoi? Parce qu'on parle métal et il écoute que ça, le gamin. Donc, non, j'adore Gala, quoi. J'adore Gala. C'était la sortie d'album Reload de Metallica. Ouais, bah c'était pas obligatoire. La même année, il y a Cryptic Writings de Megadeth. Ouais, ce sera beaucoup plus défendable. Ouais, et puis bon, il y en a un truc qui fait. Peut-être, je pense. Il y a un truc que tu kiffes qui est sorti cette année. Oui, il y a Around the Four de Deftones. Ouais, c'est un tournant pour moi. C'est 97, c'est un tournant pour moi. Là, une fois que l'album est sorti, qu'il a écouté, il s'est fait un book direct. Mais tu rigoles, mais j'en avais un. J'en avais un comme ça. Comme il était jeune, il avait dessiné. C'est un book, mais sans la moustache. Hein, c'est juste le menton qui était. Donc, oui, j'en avais un. Comme le pote de Spawn, là, tu vois. Comme le pote de Spawn, tout à fait. Regarde, un beau book avec. Attends, alors, attendez, parce qu'il y a un fun fact. Oh merde, un fun fact. Il y a un fun fact sur le fun. Parce que aujourd'hui au cinéma, on nous parle beaucoup de whitewashing, qui est souvent pas très justifié. Et là, dans Spawn, il y en a un, mais un vrai de vrai. Et qu'est-ce que le whitewashing? Le whitewashing, c'est quand tu remplaces une personne d'une ethnie différente, d'une couleur différente, par un blanc. Ça, c'est le whitewashing, par exemple. Scarlett Johansson dans Ghost in the Shell. C'est ça, okay. Le whitewashing, parce qu'elle est pas asiatique, elle est italienne. Ouais, mais quand même, dans le manga, elle est pas très... Mais elle est pas très asiatique non plus dans le manga. Donc on s'en fout, donc c'est un mauvais whitewashing. Mais là, il y en a un vrai dans Spawn. Parce que le meilleur ami de Spawn, de Al Simmons, qui épouse donc son ex-femme, ouais. Qui l'épouse, l'homme au bouc. L'homme au bouc. Est blanc dans le film, alors que dans la bande dessinée, il est noir. Mais la production a dit, mettez un blanc, sinon ça fait trop d'afro-américains en premier rôle. Voilà, ça c'est un vrai whitewashing. Dans les années 90, les noirs ne pouvaient pas être des héros. C'était pas possible. Les studios hollywoodiens ne voulaient pas. Voilà, donc c'était juste un petit fun fact. Merci pour ce fun fact. Bah, je vous en prie. Pas très fun finalement. Fun fact, le whitewashing. Oh, on a fait le tour de ce qui s'est passé en 97, à peu près quoi. Hein, parce que bon, on va pas vous dire non plus qu'il y a Incubus qui a sorti Science. Alors, qui a écouté Incubus? Moi j'en ai écouté un petit peu. Tu l'as écouté toi, ouais, quand c'est sorti? Oui, c'était dans les années 80, ça, ouais. Bah, fin 90, j'écoutais, mais je suis pas fan. Non. Ouais, non, moi j'avais, je jouais sur Roxanne souvent en Incubus. Ouais. Espèce de néo un peu propre, quoi, à peu près. Néo beau gosse, quoi. Ouais. C'était pour les skaters, les surfeurs. Ouais, ou... voilà, les casques. Ouais, j'ai pas accroché un peu. Ouais. Ah, mais de toute façon, on était dans les années un peu skater. Les années point break, quoi. Ah, les années point break. Bon, donc voilà, ouais. Voilà, donc on l'a vu un petit peu dans quelle année on se situait, on va vous parler un peu plus du film. Alors, est-ce qu'on peut vraiment en dire plus? Parce que ça, c'est la question. Bah, alors, c'est vrai, ouais. Que... Si, moi j'ai un truc à dire sur le film, qui est formidable, et ça m'a vraiment marqué, c'est que Martin Sheen, au début, la présentation de son personnage, qui est donc le méchant, ouais. Dans son bureau, il est tellement méchant, ouais. Que dans son bureau, il a des cadres, des photos encadrées de champignons atomiques. Ouais, ça, c'est fantastique. Et y a pas que ça. C'est pour te donner le niveau de méchanceté du gars. Je suis un méchant. Et comme c'était pas suffisant, il y a son cendrier qui est posé dans un bocal avec des scorpions. Voilà. Oui, oui. Non, voilà, c'est ça. Le mec est un méchant. Et attends, et t'as Martin Clark. Non, Mindy Clark. Oui. Mindy Clark, pardon. Elle est en arrière-plan pendant qu'il y a Al Simmons qui parle avec son boss, qui écrase sa clope près des scorpions, animal méchant. Et elle est derrière en train de jouer avec une migale qu'elle se fait monter sur la main. Et j'étais là. C'était les 10 premières minutes. J'ai essayé de me perforer l'œil avec un stylo qui traînait sur mon bras. Je ne pouvais plus déjà supporter ce film. Et j'ai dû couper le film en deux. J'ai fait une pause d'au moins une heure, un truc comme ça, parce que je m'endormais. Ah oui, non, mais c'est ça. Parce que mais même s'il y a des scènes d'action, elles sont molles. Ah oui, c'est mal réalisé, c'est mal filmé. Il y a tout qui est mou, quoi, Dieu. Je dirais pas que c'est mal réalisé dans le sens où c'est pour le cadrage et tout, etc. Dans un bon bordel, quand même. Ça va vite fait, mais c'est tellement mou ce qui se passe à l'écran, tu te fais chier. Mais moi je me dis, le film dure 1h30, ça va. Putain, c'est long. J'ai jamais vu 1h30. C'est long, quoi. On l'a vu 3 semaines, mais ça, ouais. Au cinéma. Moi je l'ai vu au cinéma, je l'avais jamais revu. Enfin, si, je l'avais peut-être vu avec Yann. Je l'avais revu avec toi, petit, voilà. Petit en cassette ou ouais, je sais pas quoi. Voilà, location, machin. Et après, je l'avais plus jamais revu. Et par contre, je. Bah, j'écoutais que la BO en fait, du coup, parce qu'il y a que la BO qui me plaisait. Mais ouais. Là, on a regardé le film, ouais, non, et je me suis. Rien j'étais en train de m'énerver tout seul parce que je me faisais chier, quoi. Et j'ai dit, putain, mais c'est pas possible. C'est... Après, je râlais, comme je fais d'habitude. Ouais. Putain, mais c'est quoi ça? Et pourquoi il y a un chien? Et pourquoi il y a un match de foot? Non, le toutou, c'est bien. Le toutou, c'est bien. Non, non, mais c'était tout et n'importe quoi. L'utilisation de la musique est mal branlée. Enfin, on passe des moments où tu te dis, pourquoi il met ça? Ça n'a aucun rapport. Moi, en le remettant, je me suis rappelé que je l'avais vu avec Vidéo Future. En fait, j'avais plus aucun souvenir de la scène après la première tentative d'assassinat de Spawn contre son ancien patron. Tu vois, quand il saute la derrière, il descend avec sa cape. Je crois qu'à partir de là, mon cerveau s'était déjà déconnecté alors que j'étais ado, quoi, tu vois. Je ne suivais plus. Mais tu te souviens avoir bien aimé? Non, je me rappelle que c'était chiant. Tu sentais vraiment pas l'univers du comics, quoi. Ouais, c'est... C'est nul. Je sais pas, en fait. Il y a rien à retenir. Après le constat qu'on a fait et puis que... Quasiment tout le monde a pu le faire lorsqu'il est sorti ce film. On s'est dit, bon, bah ça s'arrête là, quoi. Bah non, 22 ans après, il y a Todd McFarlane qui arrive et qui dit, ouais, je vais ressortir un autre film, Spawn. Alors, il est trop taqué. Pourquoi pas? Il est dans la nostalgie. Alors, c'est pas seulement 22 ans après, parce que ça fait quand même, même dès la sortie du premier, en 97, il pensait déjà à faire ça. Il disait, non, mais je vais en réécrire un, mais ce sera plus un thriller type Seven, machin. Ah ouais, type Seven. Ouais, bon, ah, le mec, il a balancé Seven comme ça. Ouais, calme-toi, Todd. Donc, plus parti sur un univers plus noir, moins d'action, et quelque chose comme ça, quoi. Parce que, oui, alors, pour dire un truc aussi, pour ajouter, c'est que, on parle du film qui semble avoir été fait surtout pour les enfants, oui. Mais pour les enfants, franchement, un gamin de 10 ans. Oui, pour les ados. Ouais, un gamin de 10 ans, tu le mets devant, je pense que ça va. Oui, il sera pas traumatisé. Ouais, je pense qu'il sera pas traumatisé. Enfin, il sera traumatisé, tellement c'est mauvais, quoi. Oui, par contre, il dira. Ah oui, c'est ça. Pareil, quoi. C'est ça, donc, le film. Un film nul, c'est ça. Ah, c'est donc ça. Mais ça pourrait être. Parce qu'au même moment, on en a. Alors, je sais pas si vous en parlez maintenant ou plus tard. Mais au même moment sur HBO, donc la chaîne qui a produit Game of Thrones, lançait la série animée de Spawn. Il y a une série qui, elle, est beaucoup plus respectueuse du matériel d'origine. Parce que là pour le coup, c'est vraiment sombre, il n'y a pas d'action qui fait chier, c'est gore, il y a tout. C'est parfait. Que tu avais acheté en cassette américaine là, c'est ça, ouais. C'était cool, ça. Ça, c'était bien. Ah oui, carrément. Donc, il y a la version, donc, au pire, les gens ne regardaient pas le film parce que ça sert à incroyable. Par contre, regardez la série télé. La série animée, en tout cas. Oui, la série animée, Donc le reboot. Voilà. Et donc, oui, donc, un reboot qui est censé arriver. Qu'est-ce qui se passe en fait? Todd McFarlane, il décide d'un truc, il fait. Le film, il va me coûter 10 millions. Alors, 10 millions pour un film maintenant, c'est rien du tout. C'est rien. Ouais, mais c'est son fric. Ouais. Et il fait. Donc, il dit. Même si je suis pas soutenu par Hollywood, etc., il sortira. Quand c'est un autre problème. Voilà. Et sauf que bon, bah, tout le monde voit que c'est un peu du vent. Et ce mec-là, en fait, il est vraiment trop prétentieux. Quoi, ah oui, c'est quelqu'un qui. Et là, il fait oui, on va sortir le film courant 2019. Après, à chaque interview, il change d'histoire. Il fait oui, là, le scénario, il est passé sur un mec, il va refaire le script un petit peu. Et après, il fait des annonces du genre en fait, ça sera une trilogie. Qu'il aille voir Netflix alors. Mais oui, au pire, qu'il aille voir Netflix. Il lui donne pas des idées comme ça, mec. Mais en même temps, je suis curieux. Non, je pense que le mec. Je suis curieux quand même. Je pense que le mec a une réelle envie artistique de faire un bon truc. Ouais, parce que comme il est bien, il est pas mauvais. Mais ça part quand même d'une bonne base, le truc, tu vois. Et si c'est Todd McFarlane qui veut faire son truc, son projet, 22 heures après, tout le monde aura oublié Spawn, sauf nous. Non, parce qu'on va leur rappeler que l'existence de Spawn. Ouais, ce que je voulais dire, mais ça existe toujours, Spawn, en fait. Oui, le comics qui sort toujours. Oui, ça existe toujours, mais. Ouais, ça, c'est pas mais c'est plus lui qui décide depuis longtemps. Non, depuis 96, c'est plus lui qui décide. Non, mais qu'il le fasse, il a 10 millions en poche, il peut faire un truc correct. Hein, bah, on arrive à la seule partie qu'on peut garder dans l'univers de Spawn dans le film. Bah, c'est la bande originale. Voilà. Ouais. Alors, pouvez-vous nous dire un petit mot là sur la BO? Bah, la BO, elle est une collaboration entre deux groupes de groupes de métal de l'époque et des groupes Indus. Indus slash électro. Ouais. Mais oui, en tout cas, c'est une bande originale, pardon, que j'avais énormément saignée. Vraiment, j'avais vraiment saigné. Parce qu'il y avait Johnson qui a fait un clip pour cette chanson, du coup. Ouais, et qui avait sorti un morceau original dessus. Moi, à l'époque, j'étais très fan de Marilyn Manson. C'était un peu le Marilyn Manson, époque antichrist et tout. Oui, bah, 97, ouais. Ouais, il y avait du Korn, des Bottle Surfers que j'ai découvert beaucoup plus tard. Prodigy aussi. Ouais. Prodigy, il y a un Cubus aussi, on en parlait tout à l'heure. Et puis un morceau là, que j'aime bien, c'est Stadium Westward, Turn Apart. Ouais. En fait, là sur l'album, c'est un remix. C'est pas un morceau original, c'est un autre morceau original. Et je préfère ce remix là. Ça fait partie des morceaux que je réécoute de temps en temps, parce que j'aime bien quand même le faire. Mais il y a quand même un morceau, et là c'est quand même. J'ai un pote, je lui ai fait écouter la bande originale, je ne connaissais pas. À partir de ce moment-là, il m'a dit tiens-moi ça. Et ce morceau, c'est le remix de Forum de Beltos par DJ Spooky et qui est un remix dégueulasse. Ouais, c'était pas top. C'est vraiment pas top. Ah non. C'est vraiment mais c'est DJ Spooky. Alors DJ Spooky, qui c'est qui a. C'est un mec qui a pas fait une carrière de ouf à priori. Non mais déjà. Non, je ne connais pas. DJ Spooky. Donc voilà, donc un morceau pourri de merde qui est pas très bien. C'est un producteur de hip-hop américain qui a travaillé avec Yoko Ono quand même. Hein, ah bah c'est pour ça. C'est nul. Le morceau de corne était très bien. Ouais, alors on va parler des morceaux qui nous plaisent aussi quoi. Ouais. Donc oui, le morceau de corne, bah il reste dans l'univers de corne. C'est trop bien, ouais. Il est bien dark et tout. Mais le truc c'est qu'on n'a pas une grosse culture en électro, donc c'est vrai que vous parlez des featuring. Bah moi je connais bien Atari oui, voilà. Il y a un collab avec Sayer. Parce qu'après on peut parler de la collaboration de Tom Morello et Prodigy. Mmh. Tout à fait. Bah, ouais, qui est pas André Narmi, ouais. Qui est bien. Ouais, on reste sur le fait que les films sont des. Prendre des BO, ils font des collaborations avec comme Judgment Night. Ouais, qui était avec des rappeurs et des scènes de métal. Le rap métal, là c'est l'électro-métal parce qu'on est toujours à la fin des années 90. Oui, surtout quand on va arriver au niveau des années 2000. Les 2000 c'est le futur et le futur c'est l'électronique, tu vois, les beats, les blocs, les machins, pour l'électro. Le rap c'est le passé, l'électro c'est le futur. C'est ça. Voilà, c'était ça. Parce que c'est une machine. C'est des machines, voilà, c'est des machines, les machines, c'est le futur. Non, puis mine de rien, le mélange électro-indus... C'est un côté un peu martial, carré et tout, avec des rythmes de guitare métal, ça... C'est marrant, bien. Et je suis en train de me dire, avec la remarque que tu as faite sur le blip et les blubs, sur le passé, le passé, le futur, etc. Choisir et demander en fait des collaborations avec des groupes d'électro, ça reflète peut-être sa volonté de créer des effets spéciaux en numérique. Non. Non. Tu veux dire le fait de tourner vers le futur? Ouais. Non, mais pas ça, c'était choisi parce que c'est à l'époque où ils faisaient des BO, il fallait vendre une BO en plus du film, quoi. Oui, mais c'est cohérent si tu veux avec la démarche du film qui est de, on veut montrer un film moderne avec des effets de ouf, des maquillages de ouf, etc. Et ensuite on te fait une bande originale qui va dans ce sens-là. Bah oui. Si tu veux quelque part. Ouais, c'était aussi parce que c'est l'époque aussi. C'est l'époque. Mais bien sûr que c'est l'époque qui veut ça, mais c'est un film qui est raccord avec son époque. Les collaborations en fait avec des groupes d'électro, elles étaient pas nécessaires pour vendre la BO. Hein. Tu vois pas. Oui, c'était une mode de faire des BO de films avec des collaborations. Oui, mais si tu regardes bien, quand tu regardes les collaborations, les groupes de métal tu les connais, les groupes d'électro on en connaît aucun. À l'époque, nous on ne connaissait pas. Non, mais l'électro il y a toujours eu un côté underground ou quoi. Oui, où, en fait, mine de rien, les mecs sont très connus. Dans leur sphère, c'est clair. Et c'est pas des petits rigolos en fait. Bah, il y a quand même Moby hein, sur la. Oui, il y a Moby avec les bateaux sur le cheval. Donc, oui, tu t'es précipité à me dire non, mais au final, ma théorie elle tient debout. Théorie tient debout. Mais oui, ok, pourquoi pas. Mais moi, je pensais plus que c'était un. Surtout que c'est un truc de mode, on veut vendre une BO avec le film. T'en cours pas. Non, mais c'est évident qu'ils veulent vendre une BO avec le film. Une BO solide. Mais sauf qu'une BO avec des colorations de groupe électro et métal, ils auraient pu le faire autrement, tu vois. Ouais, ça s'appelle bien dans l'univers, ils auraient fait un club rap metal pour un truc, etc. Bref, le côté numérique de musical, ouais. il s'accorde avec le côté numérique des effets spéciaux. D'accord, tu peux pas me dire non. attends, je vais te dire impossible. Non, oui, je vois ce que je veux dire. C'est impossible. Oui, c'est ça. Ouais, donc c'est raccord avec ce qu'ils ont voulu faire, même si c'était. Pas très bien fait, mais enfin c'était complètement nul au niveau des effets spéciaux. Après au niveau de la vidéo, c'est pas forcément au niveau des effets spéciaux, mais de l'univers de Spawn plutôt, je crois. Les effets spéciaux ils contribuent et forcément, si tu montres un truc aussi claqué à l'écran, tu peux pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui rentre vraiment dedans, quoi. Alors, c'est dur, quoi. Je me trompe peut-être, mais je crois qu'au niveau des effets spéciaux, c'est la première fois que ILM fait un film avec autant d'effets spéciaux à l'écran, quoi. Oui. C'est-à-dire d'habitude, ils incrustaient plus des trucs dans du réel. Oui, oui. Dans des images réelles, que là c'est que du faux. Il y a les moments, c'est que du faux. Ouais, c'est que du faux derrière. Bon, on pourra dire ce qu'on veut d'ILM, après ils ont fait la prélogie Star Wars et c'est dégueulasse, quoi. C'est. Ça a mal vieilli aussi. Oui, c'est. Bah oui, du coup, ça appartient encore à Lucas. C'est tacheron comme effet spéciaux, quoi. Et je suis désolé, quoi. Enfin, on a tous vu des films bourrés d'effets spéciaux, je pense qu'on préfère quand il y a du dur. Ouais, mais c'est pour ça qu'il y a des films que. Je suis parti un petit peu sur les effets spéciaux, pardon. Bah non, bah justement. Mais j'ai l'impression qu'on a pas grand chose à dire sur cette BO non plus. Bah moi, c'est pas une BO qui m'a marqué de ouf. Hein. Non, on l'a écouté à l'époque. Ouais, moi, c'est une BO que j'ai beaucoup écouté. Il y a beaucoup de morceaux, c'est vrai que des fois, je me la remets, bon, c'est bon, fait tout ça, et en fait, troisième, quatrième, ouais, moi, je connais ça commence à me saouler un peu, quoi, tu vois. Même si j'ai adoré, il y a des groupes que je connaissais pas, que j'ai découvert, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de. Beaucoup de métalleux à l'époque qui ont dû écouter cette vidéo aussi. Ouais, je sais que souvent des fois ça. De métal, les Stones, quand même. Oui, voilà, c'était connu. Voilà, bon, c'était ça, pour ça. C'était quand même un truc qui a quand même marqué son temps, malgré le fait qu'aujourd'hui, quand tu la réécoutes, tu fais ça. Moi, je l'ai réécouté ce matin et je me suis dit, ah, ça faisait 20 ans que j'avais pas écouté ces trucs-là. Ouais, tu te sens à l'époque, hein. Ah, oui, et tout. Ah, ouais, ça a pris. Enfin. Je sais pas si ça a pris, si tu le mets quelqu'un qui a jamais écouté ça et tout, peut-être. Moi je me suis dit, ah ouais, ça a pris dans la gueule. Enfin, ouais, c'est clair. Il n'y a pas, une chanson qui m'a fait dire, waouh, putain, c'est bien ça. Moi, ouais, c'est très bien ça. Non, c'était. Ouais, non, ouais, moi j'ai écouté ça par nostalgie, là, du coup, mais. Après, c'est pas nul, mais moi ça. Ça vieillit, ouais, c'est sûr. Ça me touche pas forcément. Alors, j'aime bien la chanson de Monson, celle-là par contre, elle reste bien. C'est Spawn, c'était une époque rigolote quoi, mais bon. Non, moi il y a le morceau de Stabbing Westward que j'aime bien, il y a celui de Filter, la première. La première passe toujours, moi j'aime bien. Filter, le. Oui, la première, elle est bien. Filter qui est Filter le. Filter and Crystal Method, c'est Can't You Trip Like I Do. Le frère de Robert Patrick. Voilà, c'est ça, le chanteur de Filter et le frère de Robert Patrick qui joue le théâtre. Ah, ouais. Voilà. Fun fact. Fun fact. Robert Patrick, respect. Voilà, voilà. Voilà. Voilà. L'Indus, l'électro, les effets spéciaux pourris. L'électro-Indus. Le film un peu nul. Ouais. Ouais, à vrai dire, pourquoi mais... on a en fait une émission. C'est le mec qui se remet en question. Je ne sais pas. Est-ce que vraiment on aurait dû enregistrer ça? Le film est nul, mais Spawn c'est une putain de base quoi. C'est... Ah, mais oui, là, le remix c'est génial. Hein. Spawn c'est métal. Non, après, c'est vrai qu'on a l'air beaucoup moins enjoué par exemple pour la Section Hero, mais je veux dire, c'est normal. Parce que c'est bien, c'est à l'image du film, mais c'est vrai que. Spawn, ça reste une BO qui a quand même marqué. Ça t'a pas marqué, d'accord. Mais des potes qui écoutaient du Néo à l'époque ou Monson. Ouais, voilà. Tu écoutais la Gold Spawn, forcément, en tout cas, la morceau de Monson, et c'était en plein. Voilà, à l'époque de Monson. Et oui, il y a un côté régressif dedans. Je veux pas conseiller aux gens de regarder le film, quoi, parce que c'est. Tu as arrêté. À la limite, écouter la BO pour. À la limite, écouter la BO à l'époque. Voilà. Pour juger un peu l'époque. Pour bien juger, ouais. Bah, juger aussi. Pour ça, mais du coup, la BO, elle m'a fait découvrir Atari Tenegios. Par exemple, voilà, quoi. Et c'est vrai que... Ouais. Alors, y a que des bons gars qui ont bossé sur la BO. Oui, ça. Enfin, sauf Korn. C'est vrai que t'as peut-être pas Korn, mais il est bien morceau. Mais non, mais il est bien, quoi. Ouais, le morceau est bien. Je suis pas fan de Korn non plus, mais... Après, la version de Slayer, enfin, le release de Slayer, moyen, il est bien, celui-là. Ouais, c'est bon, ce... C'est... Bon, ouais, voilà. On a tout dit. En disant que bah, Spawn, bah, le film, il est quand même vachement nul. La BO, écoutez-la si vous voulez voir à quoi ça ressemblait les années 90 un peu ringarde. Mais pas seulement ringarde. Ouais, ça va. Arrêtez, putain, c'était pas pour ouvrir au débat, c'était pour conclure. Et... Et comme disait JL, intéressez-vous à Spawn quand même. Hein. Oui, il y a quand même des trucs bien à prendre. C'est bien dessiné. C'est pas c'est bien dessiné. Non, mais même l'univers, même tout ce qui est sorti chez Image Comics et tout, etc. Il y a plein d'autres trucs qui sont très très bien. Voilà. Spawn c'est bien, mais le film c'est nul. Mais voilà, c'est ça. Mais, c'est tout quoi. Disons que prenez ça comme une porte vers un autre univers de comic book. Ouais. Voilà, qui pourrait vous intéresser. Il y a plein de trucs très très sympas. Voilà. Donc, parce que si vous regardez Marvel, vous regardez déjà de la merde. Voilà, donc Spawn, ça va pas vous changer quoi. Non, c'est vrai. Vous pouvez toujours. Ça c'est le tac le fan de Marvel. C'est pour Marvel. C'était gratuit. Bon, bah je vous remercie. Je vous remercie. Merci à toi, Panda. Merci. Merci de ton invitation. Merci pour avoir participé à cet épisode sur le cinéma et sa musique. Voilà. Sur Spawn. Voilà, c'est oui, voilà. C'est bon, ça s'est fait. On va pas revenir à des choses un peu plus. Voilà, on va coucher. Mieux la prochaine fois. Voilà, la prochaine fois on fera un truc plus sympa qui sera. Voilà, les ambiances sera plus. On fera un film mieux. Non, mais c'est ça en fait. Là on annonce un petit peu un tournant dans Life Machine. Parce que qu'est-ce qui se passe? On change un petit peu de format. On va plus appeler ça un hors série. Ouais. On va appeler ça tout simplement un épisode sur le cinéma, hein, c'est tout. Voilà. L'objectif aussi, ça sera par la suite de vous faire découvrir peut-être des films qui auront été un peu oubliés et qui valent le coup d'œil. Donc, ouais, pas des trucs mauvais comme Spawn, quoi. Parce que celui-là, comme tu l'as dit, on des conseils mauvais aussi. Ouais. Non, mais ceux qui sont mauvais, mais qui donnent envie d'être vus quand même, tu vois. Voilà, pas mauvais comme ça, quoi. Gobelin 2, par exemple, quoi. On va pas en parler, mais non, c'est. Tu vois, hein, quand on parle de Nanar, ça, c'est une référence absolue. C'est tellement. Voilà, donc on en a plein dans la besace. Hein. Bon bah voilà, c'était la Riff Machine. On vous embrasse. Allez, ciao. Allez, salut.